Dans la campagne française, Rose a 14 ans quand son père la vend comme servante à une famille de notables. Emmenée de force dans un château, Rose découvre les terribles secrets de ses maîtres. Son seul refuge, les mots, qu'elle écrit dans ses carnets pour ne pas oublier, pour garder le contrôle de sa vie. Née d'aucune femme, le nouveau roman de Franck Bouys, un chef-d'œuvre de suspense digne des plus grands romans français, déjà lauréat de 10 prix littéraires. Née d'aucune femme, de Franck Bouys, aux éditions La Manufacture de Livres. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous parlons cette semaine de Théophile Gautier, romantique parmi les romantiques, adepte de l'art pour l'art. Né en 1811 et mort en 1872, après une longue carrière d'écrivain et de critique, il nous laisse des romans comme Mademoiselle de Maupin ou Le Capitaine Fracasse, dans lesquels il a su parler en profondeur de choses superficielles. Sa vie, c'est l'un de ses biographes, Gérard de Senneville, qui nous l'a raconté lundi, tandis que Paolo Tortonese nous rendait visite hier pour évoquer son œuvre qu'il a nourrie de lectures à la fois érudites et populaires. Alors que demain, Stéphane Guégan, un autre biographe de Gautier, sera parmi nous pour parler de l'activité de critique d'art, de celui qui avait d'abord pensé être peintre avant de devenir écrivain. Et aujourd'hui ? Parler d'abord de Théophile Gautier, regardeur de danse et auditeur de musique, pour parler ensuite de ses voyages dans de nombreux lieux en Europe. Nous sommes en duplex de Montpellier avec vous, François Brunet, bonjour. Bonjour. Vous collaborez à l'édition en cours des œuvres complètes de Théophile Gautier, aux éditions Honoré Champion. Vous êtes aussi l'auteur de 3 livres que vous lui avez consacrés, Théophile Gautier et la musique, Théophile Gautier et la danse, et aussi Théophile Gautier, écrivain et voyageur, tout cela chez Honoré Champion. Vous vous intéressez donc à la fois aux critiques et à l'écrivain voyageur. Y a-t-il des liens entre les deux ? Oh, bien sûr, il y a des liens entre les deux, et même on peut dire que la frontière est souvent fluctuante, puisque dans ses récits de voyage, Gautier a parlé aussi et de musique et de danse. Alors un mot sur la danse, pour commencer. Il faut peut-être souligner d'abord que Théophile Gautier, c'est peut-être l'un des seuls écrivains romantiques importants qui soit sérieusement intéressé à la danse. Ça ne concernait pas les autres écrivains de l'époque, selon vous ? Ça ne semblait pas, en tout cas, les concerner autant que lui ? Non, je pense qu'il est le seul de cette époque. Le seul. Oui, il a écrit des livrets de ballet. Il en a conçu 13, il y en a 6 qui ont été dansés effectivement à Paris, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres écrivains de cette époque qui aient fait cela. Il faut attendre le XXe siècle peut-être, quelqu'un comme Jean Cocteau ou d'autres écrivains de cette époque, mais sinon non, il me semble que Gautier est le seul. Maintenant, tout le monde aimait la danse hein, au XIXe siècle. Mm-hmm. C'était un spectacle, les gens sortaient beaucoup, le soir à Paris en tout cas, et ils allaient au théâtre ou ils allaient à l'opéra, et à l'opéra il y avait la danse, il y avait le ballet. C'était une grande tradition française et c'était en plein essor, justement, pendant la période où Théophile Gautier a vécu et où il a été critique dans des journaux très importants comme La Presse et le Moniteur Universel. Et donc, il voyait les ballets nouveaux. Il y en a eu beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont restés au répertoire, qui sont encore dansés à l'Opéra Paris. Et en particulier, le premier livret qu'il a écrit en collaboration, il est vrai, avec quelqu'un d'autre, Vernois de Saint-Georges, c'est l'inusable Gisèle. Alors justement, pourquoi est-il si inusable ? C'est un ballet qui a un succès qui ne se dément pas depuis 2 siècles. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez une intuition pour expliquer que ce soit le cas? Oui, j'ai une intuition. Même une certitude, c'est que... D'abord, le succès s'est démenti quand même. Après 1850, Gisèle a disparu et est revenue par la Russie. Puisque Marius Petipa, qui était le grand chorégraphe du théâtre de Saint-Pétersbourg, l'a repris, fait redanser, etc. Et après, la vogue au XXe siècle a été extraordinaire. Pourquoi ? Eh bien, à mon avis, parce que le rôle de Gisèle, cette jeune fille qui est amoureuse, cette villageoise, qui découvre que finalement l'homme qu'elle aime est un imposteur, puisque c'est un prince déguisé en villageois, meurt d'une crise cardiaque, je pense. Et dans le deuxième acte, elle réapparaît sous forme de Vili, c'est-à-dire une jeune fille des eaux et de la nuit, un esprit des eaux et de la nuit, et en compagnie de toute une ronde de Vili. Et elle retrouve l'homme qu'elle a aimé, qui est plein de remords, qui est venu sur sa tombe. Et donc, et là, il y a ce bel acte blanc, comme on l'appelle. Donc, le rôle de Gisèle est un rôle très riche. Je pense que pour une danseuse, pour une ballerine, interpréter toutes ces mimiques, tous ces pas de danse tellement différents, les uns joyeux, simples, naïfs, champêtres, et puis les autres amoureux. Il y a aussi la grande scène de sa mort à la fin de l'acte 1, où elle s'empare de l'épée, elle voudrait d'Albert, elle voudrait se percer le sein avec cette épée, puis elle tombe. Enfin, une très belle scène dite de la folie, mais qui est plutôt une espèce d'angoisse. Donc, c'est un rôle très riche. Et c'est Pardonnez-moi. Oui. C'est un rôle qui, évidemment, était très intime pour Théophile Gautier, puisqu'il avait été inspiré par son amour pour Carlotta Grisi. Oui, alors ça, on ne sait pas. Il y a diverses interprétations et rien ne prouve qu'il a écrit Gisèle pour Carlotta Grisi. C'est elle qui a créé ce ballet, mais moi je pense plutôt qu'il est tombé amoureux, follement amoureux d'ailleurs, de Carlotta Grisi pendant qu'elle répétait et qu'elle préparait ce rôle. Je pense pas qu'il ait écrit vraiment pour elle. Après, il a écrit un deuxième ballet pour elle, ça c'est certain. C'est La Pairie. La Pairie qui se passe en Orient, qui est démarqué un peu des Mille et Une Nuits. Voilà. Mais est-ce qu'on peut pas dire tout de même que l'intimité est très liée chez lui à cette question de la danse et du ballet et de la musique aussi, parce que ensuite c'est d'Ernesta, donc la sœur de Carlotta Grisi, qu'il va tomber amoureuse, et Ernesta est une cantatrice, il va vivre avec elle, il va avoir deux filles d'elle, donc la musique tout comme la danse semble être très proche pour lui. Ah oui, il était dans un milieu musical avec Ernesta Grisi, mais il connaissait déjà Giulia Grisi, qui était une cousine et qui était la plus grande cantatrice de l'opéra italien à cette époque-là. Elle était belle, elle avait une très belle voix. Par exemple, c'était elle qui chantait Norma, tous ces grands succès de l'opéra italien. Alors Ernesta avait un talent plus modeste. Elle était contralto d'abord et elle n'a pas fait une grande carrière, mais il était plongé dans ce milieu. Alors évidemment, les cousines se voyaient, il y avait Carlotta qui dansait, Ernesta qui chantait, Giulia qui a vécu à cette époque-là avec le plus grand ténor qui s'est produisé sur les scènes françaises, puisque Gilbert Dupré commençait à avoir la voix qui faiblissait. C'est Mario qui a été devenu le compagnon de Julia, qui est devenu le grand ténor des années 1840-1850. Donc il était plongé dans ce milieu de l'opéra italien. Et tous ces noms que vous citez disent aussi beaucoup à quel point Paris était la grande capitale de la danse aussi à cette époque-là, et de la musique peut-être d'ailleurs en partie en tout cas. C'est tout ça aussi le milieu de l'époque dans lequel baigne Théophile Gautier. Oui. Il est aux premières loges, puisque d'abord, en tant que critique dramatique, la danse et l'opéra sont de son ressort. Moins les musiques symphoniques, mais enfin, il en a parlé quand même. Et donc, il est aux premières loges, et puis Paris attire énormément. Pourtant, on n'arrête pas de récriminer contre la médiocrité des bâtiments, des choses comme ça, mais toutes les danseuses, les danseurs un peu moins, mais toutes les danseuses européennes veulent monter sur les planches à Paris. Et les musiciens, c'est pareil. Même Wagner a essayé à un moment donné par deux fois de venir à Paris. Deux fois, ça a été des échecs d'ailleurs pour lui. Les grands virtuoses, je sais pas, Liszt, Clara Schumann, et tout ça, il fallait qu'ils passent par Paris. Alors Paris, mais il y avait aussi d'autres lieux à visiter. On parlera dans une seconde partie de l'émission des voyages de Théophile Gautier, mais parfois les voyages sont liés à la musique. Écoutez. Lorsque la conversation languit, l'un des galants décroche une guitare et se met à chanter en grattant les cordes de ses ongles, en marquant le rythme avec la paume de sa main sur le ventre de l'instrument, quelques joyeuses chansons andalouses ou quelques couplets bouffons entremêlés de « haï » et de « holla », modulés bizarrement et d'un effet singulier. Une dame se met au piano, joue un morceau de Bellini, qui paraît être le maestro favori des Espagnols, ou chante une romance de Breton de Los Herreros, le grand parolier de Madrid. La soirée se termine par un petit bal improvisé, où l'on ne danse hélas ni jota, ni fandango, ni boléro, ces danses étant abandonnées aux paysans, aux servantes et aux bohémiens. Mais bien la contredanse et le rigodon, et quelquefois la valse. Cependant, à notre requête, un soir, deux demoiselles de la maison voulurent bien exécuter le boléro. Mais auparavant, elles firent fermer les fenêtres et la porte du patio, qui ordinairement reste toujours ouverte, tant elles avaient peur d'être accusées de mauvais goût et de couleur locale. Les Espagnols se fâchent en général quand on leur parle de cachucha, de castagnette, de marros, de manolas, de moines, de contrebandiers et de combats de taureaux, quoiqu'au fond, ils aient un grand penchant pour toutes ces choses vraiment nationales et si caractéristiques. Ils vous demandent d'un air visiblement contrarié si vous pensez qu'ils ne sont pas aussi avancés que vous en civilisation, tant cette déplorable manie d'imitation anglaise ou française a pénétré partout. L'Espagne en est aujourd'hui au constitutionnel de 1825, c'est-à-dire hostile à toute couleur et à toute poésie. Il est toujours bien entendu que nous parlons de la classe prétendue éclairée qui habite les villes. François Brunet, il y a un amour, une curiosité de Gautier pour toutes les musiques françaises, mais aussi les musiques étrangères qu'il découvre, comme on va le voir, en voyageant un peu partout en Europe et singulièrement en Espagne. Oui, bien sûr. Et je pense que la musique espagnole et les danses espagnoles étaient parmi ce qu'il préférait. Bien entendu, le public parisien, lui, c'était l'opéra italien. Alors, Gautier suivait un peu la mode, mais quand il est allé en Espagne, oui, il a découvert des tas de choses que les gens connaissaient un tout petit peu, parce qu'il y avait déjà eu des danseuses espagnoles qui étaient venues se produire à Paris, une certaine Dolores Serral, notamment, avec son compagnon Comproubi, qui dansait la cachucha. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement ce que c'est que cette danse, c'est une sorte de boléro. Et alors Gautier est parti en Espagne en espérant voir beaucoup de cachuchas. Et à Madrid, il a été déconfit, c'est le passage je crois que vous avez lu, quand il a vu que dans les salons de Madrid, on s'était mis à la mode française. Mmh. Et donc, parce que ce qu'il aime, c'est la couleur locale. Ah oui, il aime la couleur locale. Et alors, il va la découvrir en Andalousie. Donc, notamment à Grenade, parce qu'à Grenade, il va rester assez longtemps. C'est en 1840. Hein. Il est resté 5 mois en Espagne, hein, en 1840, en faisant tout le périple à partir de la frontière de Hendaï jusqu'à Cadix. Et donc, il a séjourné assez longtemps en Andalousie, en plein été. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, pardonnez-moi, François Brunet, une réflexion construite de Gautier sur la danse, comme c'est le cas par exemple chez Mallarmé ou chez Valéry? Est-ce que c'est de cet ordre-là? C'est-à-dire, ce qui intéressait Gautier, c'était quand même pas véritablement la substance de la danse, mais ce qu'on pouvait réaliser, c'est-à-dire des ballets. Et là, il avait des idées qui ont évolué, mais qui se sont construites peu à peu sur la composition des ballets. La danse, pour lui, n'était pas seulement quelque chose de festif ni de joli. Il fallait qu'il y ait plus que ça. Paolo Tortonese l'a dit hier, c'était un spiritualiste au fond, et donc il fallait qu'il y ait une spiritualité ou quelque chose d'au-delà des apparences qui soit traduit par le visage de la danseuse, par ses gestes, par sa chorégraphie. Et donc il avait des idées, oui, sur ce que devait être un ballet, un bon ballet. Et puis c'est pour ça qu'il en a écrit 13, dont 6 ont été joués. Donc finalement, en tant que critique, ce n'est pas le côté technique du ballet qui va l'intéresser, ou le côté technique de la musique, c'est autre chose. Oui, c'est l'expression, c'est l'expressivité. Par exemple, dans ses comptes rendus de ballet, il parle très très peu de technique. Il emploie quelques mots comme ça, mais les jetés battus, les entrechats, mais un peu au hasard, non. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire racontée par le ballet et la façon dont les sentiments, les émotions des personnages sont traduits. Donc il aime chez les danseurs qu'il y ait cette expressivité qui soit traduite au-delà de la virtuosité. Les chanteurs se divisent en deux classes, ceux qui doivent tout à la nature et ceux qui doivent tout à l'art. Autrement dit, ceux qui ne savent pas se servir de la voix qu'ils ont et ceux qui savent se servir de la voix qu'ils n'ont pas. D'un côté, il y a fraîcheur, facilité, charme. De l'autre, méthode parfaite, effet ménager, mécanisme irréprochable. L'idéal serait la réunion des deux. Malheureusement, le travail pour arriver à la perfection de l'art nuit au don naturel. D'autre part, une grande voix est difficile à conduire, comme un cheval fougueux. Lequel préférez-vous? Du cheval secouant sa crinière, creusant la terre de son sabot, s'emportant, faisant des écarts? Ou du cheval dompté, maté, assoupli à tous les exercices du manège, dansant en mesure, exécutant des courbettes, mais incapable de sauter une haie ou de franchir un précipice? Toute la question est là. Les jeunes gens, les femmes et les poètes aimeront mieux le premier. Les gens positifs, les professeurs et les dilettantes émérites prendront parti pour le second. Quant à nous, malgré notre respect pour les talents acquis à force de travail et de volonté, nous sommes plus sensibles à ce qu'on appelle le don en langage de conte de fées. Des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Théophile Gautier avec vous, François Brunet. Théophile Gautier, qui, en musique comme dans sa littérature, préférait la légèreté du don au travail acharné, sans doute parce que le don vient de quelque chose de plus mystérieux, de plus enchanté. Quel était l'effet, au fond, que la musique avait sur lui? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte à travers ses écrits, François Brunet? C'est assez difficile à dire. Je pense que il voulait être transporté ailleurs. Et dans un monde idéal, dans le monde du beau, enfin, il voulait éprouver ce que on éprouve lorsqu'on entend un morceau de musique qui nous bouleverse, c'est-à-dire une sorte d'extase, une sorte d'arrachement au monde banal où nous sommes plongés. Et le musicien que Gautier préférait n'était pas les musiciens italiens que chantait sa compagne, mais assez curieusement, c'est Weber qui a été son musicien préféré. Mmh. C'est celui qui lui a fait le plus d'impression. Il a eu la chance d'entendre plusieurs versions du Freischütz à Paris, mais aussi en Allemagne. Pourquoi dites-vous curieusement? Ben, curieusement, parce que on aurait pu penser qu'il était emporté par ce flot d'italianisme qui déversait sur... De la mode de l'époque. Qui déversait de la mode de l'époque. Alors, on a beaucoup parlé que Gautier a été un des premiers découvreurs de... je sais pas si le mot est français, mais tant pis, je l'emploie. Découvreur de Wagner. Et en fait, il a très peu connu Wagner. Il a entendu une fois Tannhäuser... à Wiesbaden, je crois, et il n'y a pas compris grand-chose. Il a trouvé que c'était une musique tout à fait acceptable, que c'était pas du tout quelque chose de qui va se boucher les oreilles, comme disaient les ennemis de Wagner. Et puis il a entendu Rienzi, donc qui n'est pas le plus grand opéra de Wagner. Il y a un air magnifique, bien sûr, mais voilà, c'est tout ce qu'il a connu de Wagner. Mais par contre, pour Weber, c'était différent. Il a beaucoup mieux fréquenté. Et sa fille Judith prétend dans ses mémoires que Gautier savait même jouer l'invitation à la valse au piano. Mmh. Bon, je pense que ça devait être une version simplifiée, parce que l'invitation à la valse est un morceau très difficile. Mais elle dit il jouait avec les deux mains, etc. Et il savait par cœur. Oui. Donc il aimait Weber. Mais alors, est-ce que ça signifie qu'il était moderne, parce qu'il n'est pas moderne dans tout, Théophile Gautier? Est-ce qu'en musique, il a des goûts de son temps, voire même un peu en avance sur son temps? Il a des goûts un peu en avance sur son temps, parce que il y a eu un décalage dans le public français entre ce qu'il écoutait et l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, Beethoven est rentré plus tard en France qu'en Allemagne. Donc, c'était Rossini qui triomphait à Paris. Donc, petit à petit, le public français s'est mis à aimer Beethoven, et alors, donc les fameux concerts du conservatoire ont donné régulièrement les symphonies de Beethoven, avec toujours une ouverture ou deux de Weber. Voilà quels étaient les programmes. Mais c'était pas le grand public. Je crois que le grand public, ils allaient aux Italiens pour entendre Bellini, Donizetti, Rossini. C'était le romantisme, l'époque romantique française était baignée de cette musique italienne. Mais... Monsieur Hector Berlioz, réformateur musical, a de grands rapports avec Victor Hugo, réformateur littéraire. Leur première pensée à tous deux a été de se soustraire au vieux rythme classique avec son ronron perpétuel, ses chutes obligées et ses repos prévus d'avance. De même que Victor Hugo déplace les césures, enjambe d'un vers sur l'autre et varie par toutes sortes d'artifices la monotonie de la période poétique, Hector Berlioz change de temps, trompe l'oreille qui attendait un retour symétrique et ponctue à son gré la phrase musicale. comme le poète qui a doublé la richesse des rimes pour que le vers regagnât en couleur ce qu'il perdait en cadence, le novateur musicien a nourri et serré son orchestration. Il a fait chanter les instruments beaucoup plus qu'on ne l'avait fait avant lui. Et par l'abondance et la variété des dessins, il a compensé amplement le manque de rythme de certaines portions. Il aime les novateurs, François Brunet, c'est peut-être parce qu'il aime être surpris, en art comme ailleurs, il n'aime pas s'ennuyer. Oui, bien sûr. Mais je pense que le texte qui vient d'être lu, là, est assez extraordinaire quand même, de la part de quelqu'un qui n'est pas un musicien, de métier du tout, mais de discerner comme ça que les mélodies de Berlioz sont si différentes de celles de ce qu'il appelle l'époque classique. Il emploie même le mot péjoratif de ronron. Et c'est vrai que les thèmes de Berlioz sont immenses. Et parfois couvre un nombre impair de mesures, ce qui a beaucoup surpris les contemporains. Alors Gautier était ami avec Berlioz, pas ami intime, mais enfin ils se sont pas mal écrits. Et Berlioz avait confiance en Gautier pour lui faire de la réclame. Donc de temps en temps, il lui disait « je vais faire jouer ceci, je vais faire jouer cela, dites-en un mot ». Et Gautier s'exécutait. Mais il aimait la musique de Berlioz. Il a fait un très beau compte-rendu, par exemple, de « L'enfance du Christ ». Mais il est vrai que tout le monde a aimé « L'enfance du Christ » quand Berlioz l'a fait jouer. Il a écrit beaucoup plus de choses sur la musique de Berlioz que ce qu'on pensait à l'origine. En dépouillant les feuilletons, on a découvert un grand nombre d'occurrences. Et Gautier a parlé aussi de la création de la damnation de Faust, qui, vous savez, a été calamiteuse, puisque il y avait personne dans la salle, il n'y avait pas un chat dans la salle, a dit une mauvaise langue. Mais Berlioz a parlé avec éloge de cette damnation de Faust, bien entendu, puisque, ma foi, Faust avait été traduit par son ami Gérard de Nerval. Et donc, il a trouvé simplement que la mélodie du roi de Tulé, de Berlioz, était un peu tourmentée. Mais sinon, il a fait des éloges de cette partition. Et puis, vous savez, bien entendu, enfin, tout le monde sait que si Gisèle est le ballet le plus dansé du 19e siècle, Les Nuits d'été, ce cycle de Berlioz, est le cycle le plus chanté. Et que les 8 poèmes qui composent ce cycle sont des poésies de Théophile Gautier. Mais ce alors, qui montre le goût. Oui. Oui, vous avez cité Nerval, et c'est vrai qu'il a parfois écrit en collaboration avec lui un certain nombre d'articles. Quand ses amis étaient impliqués dans une production, ça ne l'empêchait pas d'écrire sur cette production et d'en faire sans doute les éloges. Est-ce que ça ne pose pas un peu une question ici de l'impartialité totale de Gautier, qui était quand même très très pris dans le milieu artistique et culturel parisien, et qui avait peut-être des amitiés à ménager aussi? À mon avis, il était très impartial. Il était aussi impartial que c'était possible. Il était même courageux, parce que parfois il défendait des choses qui méritaient d'être défendues, mais qui n'étaient pas appréciées. Ou bien il descendait des gloires imméritées. Moi, je trouve qu'il était... j'admire beaucoup sa critique dramatique, parce que je la trouve extrêmement pertinente. Mais il s'amusait plus à écrire des critiques sur la musique qu'à écrire des critiques sur le théâtre, par exemple. Bon, c'est-à-dire que Paris était une capitale musicale, tandis que sur le plan du théâtre, c'était une époque de creux. À part les quelques drames romantiques qui ont survécu, les théâtres jouaient des choses tout à fait médiocres. Il me semble d'ailleurs que Gautier n'a pas tout de suite repéré que un grand génie dramatique de cette époque, qui est La Biche. Mmh. Il n'a pas tout de suite vu que La Biche était quand même tout à fait différent des autres vaudevillistes de cette époque. Mmh. Alors, il n'était pas à Paris quand on a joué Un chapeau de paille d'Italie, donc il est quand même un des grands succès de La Biche, c'est dommage. Mais enfin, il a écrit après, souvent, des éloges sur La Biche. Alors, dire encore un mot de la musique, le grand compositeur aussi, très apprécié des Parisiens, et puis même, je pense, en Europe, c'était Meyerbeer à cette époque-là. Alors Meyerbeer, on n'écoute plus jamais les Huguenots ou le Robert le Diable, ou le prophète, on considère que c'est un musicien absolument nul. Je pense pas que ce soit vrai du tout. On l'entend dans votre Gautier, ton. Gautier a écrit de très très longs comptes rendus de tous ses opéras, en particulier du prophète, oui. En 1849. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ces comptes rendus dans ce qu'elles ont de littéraire ou même de poétique? À quoi ressemblait-il? Est-ce qu'il y passait beaucoup de temps? Est-ce qu'il mettait ça, pas évidemment au niveau de sa poésie ou de sa prose, mais quand même, quelle attention y portait-il littérairement parlant? C'était son gagne-pain. Mais comme c'était un homme extrêmement scrupuleux et il pouvait pas, c'était quelque chose d'impossible pour lui de bâcler une chose. Alors évidemment, il avait le don de l'écriture, donc il pouvait écrire assez vite. Mais quand même, quand on a des brouillons de... On en a très peu, hein, parce que souvent il écrivait au journal même et puis c'était détruit après. Mais enfin, il reste parfois, en particulier pour les récits de voyage, il reste parfois des esquisses. On voit que c'était corrigé quand même de façon très très méticuleuse. Mm-hmm. Il supprimait un adjectif, il en ajoutait un autre, il changeait un terme, il ponctuait différemment. Enfin, vraiment, c'était quand même quelqu'un qui mettait beaucoup de soin à ce qu'il faisait. Alors, évidemment, il avait du plaisir à parler de la musique et de la danse. Plus peut-être de la danse, d'ailleurs. La musique, il avait un petit peu une crainte de dire des sottises. Donc, il écoutait quand même ce que disaient les gens dans les foyer, par exemple, à l'opéra, et puis il disait tel morceau était particulièrement remarqué, etc. Mais il ne se livrait pas à une analyse détaillée. Oui, parce qu'il n'était pas musicien lui-même, enfin il n'était pas danseur non plus. Oui, mais s'y connaissait davantage. Parce que dans la danse, on est davantage dans la plastique, et que, comme on le voit depuis le début de la semaine, Gautier finalement est un écrivain plastique qui vient des arts plastiques, et puis pour qui le visuel prime. Oui. Le visuel prime. Par exemple, justement, dans ses évocations d'opéra, il insiste énormément sur les décors. Mmh. Ça, c'est, vous savez, par exemple, Robert le Diable avait eu des décors magnifiques à la création en 1832, je crois, ou 1830, je ne me souviens plus. Et c'était des grands décorateurs, on les appelait comme ça, qui faisaient les... Et il y avait des éclairages aussi superbes. À partir de 1849, il y a eu l'électricité à l'Opéra de Paris, donc ça permettait encore des effets. Et pour la danse, par exemple, c'est dans Robert le Diable, à l'acte 3, il y a un ballet où il y a des nonnes, des fantômes de nonnes qui sortent des tombes et qui étaient dansées. Donc c'était le divertissement dansé. Et Gautier a certainement vu ce spectacle parce qu'il en parle tout le temps. Alors François Brunet, très très fréquemment. François Brunet, là depuis le début de cette émission, on parle des critiques musicales et de danse, mais peut-être qu'il faudrait aussi dire un mot sur la manière dont la musique est aussi présente dans les romans de Théophile Gautier. Et je voudrais qu'on écoute en introduction à ce thème un extrait de son roman Spirit. Il y a j'entendis comme des gouttes de pluie tombant dans un bassin d'argent résonner une gamme sur le piano. Il n'y avait personne, mais ces prodiges n'étonnaient plus Malivert. Quelques accords furent plaqués de manière à commander l'attention et éveiller la curiosité de l'âme. Guy regarda vers le piano et peu à peu s'ébaucha dans une vapeur lumineuse, l'ombre charmante d'une jeune fille. L'image était d'abord si transparente que les objets placés derrière elle se dessinaient à travers les contours, comme on voit le fond d'un lac à travers une eau limpide. Sans prendre aucune matérialité, elle se condensa ensuite suffisamment pour avoir l'apparence d'une figure vivante, mais d'une vie si légère, si impalpable, si aérienne, qu'elle ressemblait plutôt au reflet d'un corps dans une glace qu'à ce corps lui-même. Ses doigts, d'une pâleur faiblement rosée, erraient sur le clavier d'ivoire comme des papillons blancs, ne faisant qu'effleurer les touches, mais évoquant le son par ce frêle contact qui n'eût pas courbé une barbe de plume. La compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du rôle de la musique alors, François Brunet, dans les romans et les nouvelles de Gautier ? Là, je trouve que vous avez trouvé un passage extraordinaire et je pense que les auditeurs vont se jeter sur le roman Spirit, qui est un des plus beaux de Gautier. Et qu'on peut trouver dans les œuvres complètes publiées chez Honoré Champion. Oui, on peut le trouver aussi dans d'autres éditions. Ah d'accord. C'est un des plus... Je pensais c'est que vous vouliez faire un signe à votre éditeur. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que l'édition est excellente, avec une annotation remarquable. Bon. Mais sinon, je pensais, moi, à un autre roman de Gautier, qui est extrêmement célèbre, plus célèbre que Spirit, puisque autrefois même on l'étudiait en classe, c'était le roman de la momie. Oui. Alors dans le roman de la momie, c'est l'histoire d'une jeune égyptienne qui s'appelle Tahoser. Elle est amoureuse d'un juif qui s'appelle Poëri. Et il fait pas tellement attention à elle, donc elle décide de le rejoindre. Elle traverse le Nil à la nage, et elle est déguisée en pauvresse, et elle se fait employer comme servante chez Poëri. Et à un moment donné, elle chante, elle chante un vieil air égyptien. Enfin, égyptien ou peut-être encore plus archaïque d'après le texte. Et Poëri s'endort à côté d'elle. Elle a pas vraiment un rôle d'amante dans ce passage, mais un rôle de nourrice plutôt. Et alors, c'est très étrange parce que c'est... Oui. Pardonnez-moi. C'est le problème des duplex. Elle dit le poète et le musicien savent tout. Les dieux leur révèlent les choses cachées, ils expriment dans leur rythme ce que la pensée conçoit à peine et ce que la langue balbutie confusément. Et elle ajoute un peu plus loin, toujours ce même personnage, « Mais si mon chant t'attriste, je puis, en changeant de mode, faire naître des idées plus riantes dans ton esprit. » Oui. Voilà le pouvoir de la musique, un pouvoir extraordinaire. Et moi, j'ai été très frappé par ce passage parce que il m'a semblé que chez Gautier, il y avait comme une espèce de nostalgie d'un au-delà, d'un au-delà qui est dans le passé, une espèce de paradis perdu. De l'enfance. Et de l'enfance. Il m'a semblé que, il y a des quelques confidences par-ci par-là qui prouvent que Gautier était resté attaché à sa prime enfance qui avait eu lieu à Tarbes. Le fait de cette langue un peu archaïque fait penser certainement à la langue d'une nourrice de Bigorre ou quelque chose comme ça qui lui a servi de de berceuse lorsqu'il était enfant et qu'il désirait retrouver. Enfin, ça, c'est une de mes théories que j'ai développée dans Gautier et la musique. Vous avez une autre théorie sur Mademoiselle de Maupin, quand vous voyez un thème de contralto dans l'exemple de l'androgynie, qui est celui de, du personnage principal de Mademoiselle de Maupin, dont on a raconté l'histoire hier, parce que le contralto, c'est une voix féminine dont la tessiture est grave. Vous avez imaginé qu'il avait pu penser à ça ? Bon, bien sûr, peut-être. Mais alors là, je ne peux pas m'avancer. Hein. C'est le domaine des hypothèses. Mais enfin, c'est beau d'élaborer. Que la musique soit liée à la voix de la femme, ça me paraît une chose fondamentale chez lui. J'aurais bien voulu, mon cher Gérard, t'aller rejoindre au Caire, comme je te l'avais promis. Tu n'as pas de peine à le croire. J'aimerais mieux me promener en devisant avec toi au bord du Nil, dans les jardins de Choubra, ou gravir la montagne de Mokattam, d'où la vue est si belle, que de polir de la semelle de mes bottes les différentes espèces de bitume et d'asphalte qui s'étendent depuis la rue Grange-Batelière jusqu'à la rue du Mont-Blanc. Mais quel est l'homme qui fait ce qu'il veut ? Excepté toi, peut-être. Comme Don César de Bazan, tu vois des femmes jaunes, noires, bleues, vertes. Tu vois des ibis et des rats de Pharaon. Homme heureux. Moi, je n'ai pas quitté Paris. Mille soins m'ont empêché. On a toujours à la patte quelques fils invisibles qui se fait sentir au moment où l'on va s'envoler. Sans compter le feuilleton, tonneau des Danaïdes où il faut verser chaque semaine une urde de prose, et la page à finir, et la page à commencer, et l'espoir trompé chaque jour, et tous les chers ennuis dont la vie est faite. Enfin, je suis resté, et ne pouvant te suivre, je me suis fait construire un Orient et un Caire, rue Lepelletier, à l'Académie royale de musique et de danse. À 10 minutes de chemin de chez moi. Une lettre de Théophile Gautier à son ami Gérard de Nerval, et la musique semble parfois remplacer le voyage. Cela nous conduit à notre deuxième thème, François Brunet, celui donc des voyages de Gautier. Il faut dire d'abord que on est dans le siècle orientaliste, et Gautier a une relation spéciale avec l'Orient. Est-ce qu'il se sentait pas étrangement un peu oriental ? Oui, il l'a toujours dit. Il a toujours dit qu'il se sentait oriental, et plutôt oriental du Caire d'ailleurs, que de Constantinople. Il voulait aller en Égypte. Il n'a fait ce voyage en Égypte que en 1869, je crois, ou en 70, au moment de l'inauguration du canal de Suez. C'était un voyage un peu 69. Catastrophique d'ailleurs, non ? C'était un voyage catastrophique. Il n'a pas profité du tout de l'Égypte. Il s'est cassé le bras sur le bateau qui l'emmenait avec beaucoup de Français pour l'inauguration donc du canal de Suez. C'était l'impératrice Eugénie qui est allée cela là-bas, et ayant le bras cassé, il n'a pas pu suivre ensuite les excursionnistes qui sont allés jusqu'à la première cataracte du Nil. Donc il n'a vu que Alexandrie et le Caire. Et pourtant, ça n'empêche pas d'écrire un roman, le roman de la momie, où on a vraiment l'impression qu'il a parcouru l'Égypte de part en part, parce qu'il y a énormément de descriptions. Oui. Et même avant le roman de la momie, il avait écrit Une nuit de Cléopâtre, dont, où il y a des descriptions absolument prodigieuses. Et vraiment, alors il s'était documenté, bien entendu. Et pour le roman de la momie, c'est son ami Fédo qui avait écrit un ouvrage sur les usages funèbres des anciens Égyptiens, qu'il a documenté en lui procurant aussi des planches et tout cela. Donc c'est là qu'il a vu les instruments de musique. Donc c'est presque mieux finalement de se documenter que d'aller sur place, parce que comme ça le charme de l'imaginaire reste prégnant. D'ailleurs, je crois que pendant longtemps, Gautier ne s'est pas intéressé au récit de voyage. Il trouvait que ça n'était pas valable, finalement, comme littérature. Oui, Là, vous ne vous trompez pas du tout. Il était de caractère plutôt sédentaire quand il était jeune. Il avait une tendance à vivre un peu reclus, avec un chat au coin du feu, à écrire, à lire. Le premier petit voyage qu'il a fait, c'est en Belgique, avec Gérard de Nerval, et c'est peut-être Gérard de Nerval qui l'a entraîné d'ailleurs. Mais après, il est devenu, au contraire, un grand voyageur, enfin au moins il avait envie de partir, il aurait voulu faire le tour de la Méditerranée, il a fait plusieurs fois le projet, finalement il n'a pu faire que des voyages plus brefs. Quand même, lorsqu'il est allé en Espagne, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il est quand même resté 5 mois, ça c'était en 1840, c'est son premier grand voyage. Et quand il est allé en Russie, en 1858-59, il est arrivé en septembre, il est parti en mars. Donc il a passé tout l'hiver à Saint-Pétersbourg, avec quelques excursions. Et il est retourné encore en Russie dans l'été de l'année suivante pour voir Nijni Novgorod. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. À peu près, je crois. Et en Italie, en 1850, il est resté aussi 2 ou 3 mois. Donc il est plutôt attiré quand même par le sud que par le nord, bon, mis à part la Russie. Oui, il est attiré par le sud. Il est attiré par le sud. Les voyages autour de la Méditerranée sont évidemment les plus nombreux de ce qu'il a fait. Et quand il est allé vers le nord, son voyage en Russie est vraiment exceptionnel. C'est un texte superbe. Maintenant, personnellement, je ne connais pas la Russie, donc je ne peux pas dire s'il est juste. Ce que je peux dire par contre, c'est que les quelques voyages qu'il a fait en Allemagne, le plus long a été à Munich, mais il a aussi été à Wiesbaden, à Baden-Baden, il a descendu le Rhin jusqu'en Hollande. Ces voyages sont restés très superficiels. Et il avait une idée toute faite de l'Allemagne, qui est celle que l'on voit dans Gisèle. L'Allemagne, c'était l'Allemagne de la fleur bleue. Et il n'a pas du tout vu le péril prussien se dessiner. Il n'aimait pas trop Berlin, c'est vrai, mais enfin... même après la guerre de 70, qui a été pour lui une catastrophe épouvantable, morale, matérielle, physique, tout, sur tous les plans, il a continué d'avoir la même nostalgie d'une Allemagne romantique, sentimentale, fleur bleue. Mais du coup, François Brunet, on comprend bien que c'est un des écrivains qui a peut-être le plus voyagé finalement pour l'époque. Mis à part peut-être Chateaubriand, et quand on pense aux écrivains qui sont partis au 19e, on pense à Chateaubriand et on pense pas beaucoup à Théophile Gautier. Est-ce que c'est peut-être parce que lui n'a pas traversé l'océan Atlantique, il n'est pas allé visiter le Nouveau Monde ? Au 19e siècle, les récits de voyage de Gautier étaient très connus. Ils étaient très connus et ils étaient très appréciés. Sainte-Beuve, par exemple, dit que c'est ce qu'il a écrit de mieux. Donc c'est assez étonnant que au 20e siècle, ces textes soient rarement réédités, soient pas facilement accessibles, ne soient pas tellement lus, et qu'on considère a priori que c'est de la littérature démodée. C'est pas du tout le cas. À mon avis, enfin, évidemment, parce que j'ai écrit sur Gautier Voyageur, c'est parce que j'admire ses récits de voyage, en particulier les récits qu'il a fait sur l'Espagne, sont de véritables chefs-d'œuvre. Enfin, vraiment, le premier récit qui a été écrit au fur et à mesure qu'il traversait l'Espagne du nord au sud, et après a été réuni en volume, etc., celui-là a été réédité assez souvent. Parce qu'il a un avantage sur les autres, c'est qu'il est complet. Il y a un début, un milieu, une fin. Le voyage qu'il a fait en Italie, il n'y a pas de fin. Ça s'arrête au milieu de la description, au milieu, hein, complètement, de la description de Florence, alors qu'on sait qu'il est allé aussi à Rome et à Naples. Donc, en quelque sorte, il a fait attendre longtemps la suite de ce voyage, et puis il l'a jamais rédigé. Mais alors, en Espagne, on sait qu'il y va pour regarder la tauromachie, peut-être oui. pour voir des tableaux du Gréco aussi. Qu'est-ce qui vous retient le plus dans ce récit de voyage? Tout. Dans ce récit de voyage, j'aime tout, mais il me semble quand même que la description de l'Andalousie est ce qu'il a Pourquoi? Ce qu'il a de plus chaleureux. Oh, parce que Grenade, Séville, même Cordoue, et puis Cadix pour finir, qui est une espèce d'éclat lumineux de cette ville toute blanche sur l'océan bleu, ce sont des pages fulgurantes. Bon, alors j'espère ne pas trop vous arracher à cette belle rêverie en vous emmenant plus haut vers le nord. La Tamise, ou plutôt le bras de mer dans lequel ses eaux se dégorgent, est d'une telle largeur et ses rives sont si basses que placées au milieu du fleuve, on ne les aperçoit pas. Ce n'est qu'au bout de plusieurs milles qu'on les découvre minces, plates, linéaments noirs entre le ciel gris et l'eau jaune. Plus le fleuve se resserre, plus la foule de vaisseaux devient compacte. Les palettes des bateaux à vapeur qui remontent et descendent fouettent l'eau sans pitié et sans relâche. Les fumées qui sortent de leurs colonnes de tôle entrecroisent leurs noirs panaches et vont former au ciel, qui s'en passerait bien, de nouveaux bancs de nuages. Le soleil, s'il y avait un soleil à Londres, en serait obscurci. On entend de tous côtés râler et siffler les poumons des machines dont les narines de fer laissent jaillir des fusées de vapeur bouillante. Rien n'est plus pénible à entendre que cette respiration asthmatique et stridente, que ces gémissements de la matière aux abois et poussés à bout qui semblent se plaindre et demander grâce comme un esclave épuisé qu'un maître inhumain surcharge de travail. Je sais que les industriels se moqueront de moi, mais je ne suis pas loin de partager l'avis de l'empereur de Chine qui proscrit les bateaux à vapeur comme une invention obscène, immorale et barbare. Je trouve qu'il est impie de tourmenter ainsi la matière du bon Dieu, et je pense que la mère nature se vengera un jour des mauvais traitements que lui font subir ses enfants trop avides. C'est peut-être vengé. En effet, c'était un extrait des Caprices et Zigzags, lu par Olivier Pierre. Londres manque un peu de charme, visiblement, pour Gautier, François Brunet. Oui, alors, vous avez très bien fait de choisir ce texte. Et puis, le concerto qui l'accompagne, je ne le connais pas. Mais c'est très amusant parce que, en quelque sorte, Gautier avait divisé le monde géographique en deux. Mmh. Il y avait d'un côté l'Angleterre et de l'autre côté le reste du monde. Ah oui, c'est radical. C'est-à-dire, c'est un peu ce que les Anglais eux-mêmes désignent par... C'était un Brexiter, déjà à l'époque. Oui, rest of world. C'est-à-dire qu'il y a eux et puis il y a le reste. Alors, l'Angleterre, c'est le pays de l'industrialisation, pour Gautier, et de tout ce qui est manufacturé, c'est-à-dire, uniforme. Par exemple, quand il compare au bazar de Constantinople les tapis, les soieries, les étoffes orientales avec... tous les draps anglais, rouge, vert, bleu, uniformes qui se déversent dans les magasins de Constantinople. Évidemment, il donne la primeur pour la beauté à tous ces tons rompus, savants, dégradés de l'artisanat oriental, turc, ou même la même chose en Algérie d'ailleurs quand il y va. Est-ce que oui. Pardonnez-moi. Est-ce que en France il va y avoir des voyages aussi et quelles en seront la teneur? Est-ce que la France l'intéresse ou il n'y a pas assez d'exotisme finalement dans la campagne de France pour lui? Bon, d'abord il n'y a pas assez d'exotisme et surtout enfin. quand il part par exemple vers l'Espagne, il ne commence véritablement sa description qu'à partir de Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est déjà un petit peu l'Espagne, et puis à la traversée des Landes, qui est pittoresque. Mais tout ce qui précède, le Poitou, le bassin parisien, tout ça, ça l'intéresse pas. Il a besoin de chaleur quand même, on a l'impression. Oui, et puis alors, il y a le fait aussi que la France est un pays mixte, c'est-à-dire que par rapport à l'Angleterre, elle n'est pas aussi industrialisée, mais elle l'est plus que l'Espagne, et plus que l'Italie. Et ce qu'il va déplorer, par exemple, quand il arrive à Madrid, c'est l'européanisation de la vie espagnole. Donc, en quelque sorte, ce que je vous disais, c'est qu'il y a d'un côté le monde moderne. Alors, la France est entraînée dans le mouvement. Et les pays orientaux, l'Espagne pour lui c'est l'Orient d'ailleurs, qui sont encore originaux. Il n'aime pas l'uniformité. Et ce qu'il aime dans les pays, c'est que chacun est une personnalité. Et voilà, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. François Brunet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Théophile Gautier, écrivain et voyageur, mais aussi de Théophile Gautier et la danse, et de Théophile Gautier et la musique. Tous ces ouvrages sont publiés par Honoré Champion. Tout de suite, la chronique, c'est en compagnie des revues. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie de Maïalène Berassategui du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous, Maïalène. Bonjour. Vous avez eu envie de nous lire un extrait du Collier des jours, le premier volume de souvenirs de Judith Gautier, la fille de Théophile. Absolument, parce que Judith Gautier est classe, Judith Gautier est chouette, Judith Gautier est la digne fille de son père et elle gagne à être connue. Elle a écrit beaucoup de poèmes, des romans et elle a surtout aidé à faire découvrir la littérature classique chinoise en France parce qu'elle savait la traduire. C'est la première femme élue à l'Académie Goncourt, mais au moment où je vous parle, c'est une toute petite Judith Gautier que ses parents, dans un moment d'égarement, se sont dit qu'il serait judicieux de placer dans un couvent miteux. Et ce que je trouve très intéressant dans ses souvenirs, c'est que Judith Gautier, elle arrive à subvertir le système du couvent. Et elle se crée une marge de manœuvre assez importante, qui est très différente de ce qu'on imagine habituellement. Et son arrivée au couvent, que je vais vous raconter, avait quand même mal commencé. On vous écoute. Concentrée en moi-même, je ne répondais pas un mot aux questions que l'on me posait, ni à toutes les amabilités dont on m'accablait, pour endormir mon ressentiment. J'étais comme la bête capturée, qui juge inutile de se débattre et que l'on croit dompter. Mais je mesurais de l'œil la hauteur des murs, je scrutais la nature des pierres, la disposition des branches. Les espaliers me semblaient devoir former des échelons favorables à l'escalade. Les tessons de bouteilles dont les crêtes se hérissaient ne m'effrayaient guère, je croyais savoir les éviter. Et les têtes d'arbres dénonçaient des jardins mitoyens et m'indiquaient le chemin de la liberté. Il faudrait cependant, je le pensais bien, de la ruse et de la patience. Déjà je dressais un plan dans ma tête. Si je pouvais me cacher, j'attendrais jusqu'au lendemain matin. Alors je me sauverais. Pour faire se relâcher un peu la surveillance, j'eus l'air de m'intéresser aux fleurs, d'avoir envie de courir. On favorisa tout de suite cette apparence d'apprivoisement. « Va, cours, amuse-toi dans le jardin », me dit-on. J'allais d'abord en avant, puis je restais en arrière du groupe, qui continuait à marcher, et me ménageait en réalité une sortie furtive, qui éviterait les adieux. Je le vis repasser la porte du jardin, qu'une des sœurs ferma à clé. Vite, je regardais autour de moi. J'étais bien seule, mais le jardin n'offrait pas de recoin où se cacher. Les arbres fruitiers n'étaient guère touffus. Seuls les cèpes emmêlés et les feuilles de vigne de la treille formaient un réseau épais. Il me fut bien facile de grimper extérieurement sur le treillage, mais la partie plate qui formait toiture serait-elle capable de me porter? N'allait-elle pas s'effondrer sous moi? Je cherchais un endroit bien fourni de feuilles et de branches, et je m'y glissais avec précaution. Il y eut quelques craquements, mais rien ne cassa. Alors étendu à plat ventre, complètement enfoui, je ne bougeais plus. J'entendis bientôt la porte se rouvrir et les sandales claquer. On me chercha d'abord tranquillement, puis on commença à m'appeler. « Voyons, mon enfant, ne vous cachez pas, c'est inutile. Nous vous voyons très bien. » Les menteuses, me disais-je. Elles ne me voient pas du tout. C'est moi qui les vois. Après plusieurs tours inutiles, elles s'imaginèrent sans doute que je m'étais peut-être glissée sans être vue derrière elles, quand elles étaient sorties, car elles abandonnèrent le jardin. Le ciel était couvert, la nuit venait rapidement. Une cloche se mit à sonner très fort et longtemps. Des sœurs revinrent, plus nombreuses, très effarées cette fois. Il y en avait en voile blanc qui couraient partout. Puis elles s'en allèrent encore et le temps passa. J'entendis de nouveau la cloche et bientôt un grand silence s'établit. Merci beaucoup, Marie-Hélène Berassategui, pour cette belle lecture qui nous donne envie de découvrir ou redécouvrir Les Colliers des Jours de Judith Gauthier. À très bientôt. Des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Adèle Caglar. Demain, nous parlerons d'un Théophile Gauthier critique d'art et notamment critique de salon. Ce sera avec Stéphane Guégan, biographe de l'écrivain et contributeur à l'édition de ces salons de Gauthier chez Honoré Champion sous la direction de Marie-Hélène Girard.